Je troquais quelques pièces pour du liquide. La gauche pulsée irlandais pour vider mon angoisse en gardant l'esprit solide. De l'Irish middle class, Emily Chen. Mais où es-tu parti, Emily Chen? You are so far from me. Ma solitude, apaisant mon ennui, une nymphe asiatique me berça de mansuétude, de parfums exotiques. Emily Chen, mais où es-tu parti, Emily Chen? You are so far from me. Charme des angevines, connus pour leur beauté, tous les traits impériaux d'une princesse de Chine. Au récit mémoriaux, Emily Chen. Mais où es-tu parti, Emily Chen? You are so far from me. Lequel elle était religieuse comme une menthe. Et t'adressa mes souhaits, Emily Chen. Mais où es-tu parti, Emily Chen? You are so far from me. Dans le lit d'Aliénor, le fantôme de l'oubli s'échappa des illusions. Souvenir aboli, Emily Chen. Mais où es-tu parti, Emily Chen? You are so far from me. La légende d'Emily Chen, altesse au chant exquis, nous entraîne par sa voix comme le fait une sirène. Dans les contes d'autrefois, Emily Chen.